إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة. عباد الله، أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام هي الحمد لله، وأول كلمة علمه ربه جل وعلا هي السلام عليكم، فخاطب بها الملائكة فردوا عليه التحية، قال له الله جل وعلا: إن هذه تحيتك وتحية ذريتك. Et mes frères, on médite ensemble sur la première parole que Adam alayhi salam a prononcée quand l'âme elle est rentrée dans son corps. C'est Alhamdulillah, louange à Allah. Et la première parole qu'Allah Azza wa Jal a appris à Adam, c'est Assalamu alaykum, que la paix soit sur toi. Et Allah Azza wa Jal a salué les anges, et les anges l'ont répondu. Et il dit, Jalla wa ala, le salam, ceci est votre salutation, et la salutation parmi ta descendance. Fahiya ibadallah, tahiyatu ahlil islam, wa ya ismun min asma'illah as-salam. Et mes frères, c'est les salutations des gens de l'islam, et as-salam, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا جَنَّةَ إِلَّا بِإِيمَانِ. Il n'y a pas de paradis qu'avec la foi, ou qu'en ayant la foi. وَلَا إِيمَانَ إِلَّا بِمَحَبَّةٍ. Et tu n'auras véritablement la foi que s'il y a l'amour dans ton cœur. وَلَا مَحَبَّةَ إِلَّا بِالسَّلَامِ. Et tu n'auras l'amour dans ton cœur envers les gens qu'en propageant le salam. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à que vous soyez véritablement croyant. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Et vous serez véritablement croyant que si vous vous aimez entre vous. ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Voulez-vous que je vous oriente vers une chose que si vous le faites, vous allez vous aimer. Si vous le faites, vous allez vous aimer. قال صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم. Propagez le salam entre vous. اكثروا منه. يعني multipliez, propagez le salam entre vous. Saluez-vous entre vous. يقول عبد الله ابن سلام رضي الله عنه: قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول مره. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il y a Abdullah ibn Salam qui dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine pour la première fois, فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرِ. Je suis venu, Abdullah ibn Salam, je me suis mis dans la foule avec les gens pour le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لِأَنْظُرِ. فَلَمَّ تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابِ. Quand j'ai vu son visage, j'ai constaté que ce n'est pas un visage qui transmet le mensonge. Ce n'est pas quelqu'un qui ment. Sallallahu alayhi wa sallam. فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ sallallahu alayhi wa sallam: أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَفْشُوا السَّلَامِ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامِ وَصِلُوا الْأَرْحَامِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ نَسَأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ وَأَزْوَاجِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فِي الْجَنَّةِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, première parole quand il arrive à Médine, qu'est-ce qu'il dit? propagez le salam, saluez-vous entre vous. Afshu salam. Donnez à manger. Visitez vos proches ou ayez un lien, gardez le lien de famille entre vous. Et priez la nuit. Pour l'instant que les gens dorment, quand les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Faja'ala ifsha as-salam qabla it'am wasilat al-arham wa salat al-qiyam li'annahu la yujad mujtama'un mu'minun bila mahabba. Il a commencé par le salam. Avant le qiyam al-layl, avant de donner à manger aux pauvres, avant de garder le lien ou de visiter ses proches et autres. Pourquoi mes frères? Fala yujadu. Il ne peut pas avoir dans une société la sécurité tant qu'il n'y a pas l'amour entre eux. Car les gens, s'ils se détestent dans une société, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre, c'est les problèmes. La base de cela, sallallahu alayhi wa sallam, afshu salam, commencez le salam, subhanallah. Kalam. Parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peu, mais qu'ils ont beaucoup de sens. Sallallahu alayhi wa sallam. Afshu salam, ibadallah, qabla an ya'ti dhalika al-yawm, alladhi la yakunu fihi as-salam illa lil-ma'rifah. Saluez-vous entre vous. Propagez le salam avant que vienne un jour où les gens salueront que les personnes qui se connaissent. Ça, c'est parmi les signes de la fin des temps. Les gens, ils diront salam alaykoum qu'aux gens qui se connaissent. Et le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, saluez les gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Que tu connais ou que tu n'es plus un musulman, d'apparence, tu le vois que c'est un musulman, tu dis salam alaykoum. Salam alaykoum, yani sois en sécurité, qu'ul bi amn. Wa salam. Tu vois quelqu'un dans le noir, par exemple. Et c'est un mot, tu dis salam alaykoum, ça y est, ton cœur il se tranquillise. Ou il te dit salam alaykoum, tu vas être cool, fi salam, sois en paix avec moi. Mais si quelqu'un ne dit pas salam alaykoum, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il va me faire quelque chose. Wallahu a'lam, c'est quoi? Donc ça veut dire que tu n'es pas en sécurité avec moi. Salam alaykoum. Fa'an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, بين يدي الساعة تسليم الخاصة وهو أن يسلم الرجل إلا على من يعرفه. تسليم الخاصة يعني quoi? Il viendra parmi les signes de la fin des temps, les gens ne salueront que les personnes qui se connaissent. C'est-à-dire je connais pas, je salue pas. Johel ça, c'est Johel qui dit ça. Moi je le connais pas, je dis pas salam alaykoum. La khi, tu salames à toute personne qui est musulman, tu le vois. والسلام عباد الله من أفضل شعائر الإسلام لأنه شعار التواضع والحب بين أفراد الأمة. Le salam, mes frères, fait partie des meilleurs rites de l'islam. Car c'est un rite qui implique l'humilité, l'amour des individus qui composent cette communauté. وأنت يا عبد الله ترى أثر السلام ظاهرا إذا سلمت على طفل صغير. Quand tu salames, tu dis le salam alaykoum à un enfant, même un petit enfant, tu vas voir aller les conséquences de ton salam. Ça va le toucher. وعلى عامل فقير ou un travailleur qui est pauvre, quelqu'un qui est riche ou un patron, il va voir ses employés qui sont pauvres, il leur dit salam alaykoum chacun. Et ça montre son humilité, tawadhu, l'humilité, même le takabur, il devient orgueilleux envers les gens. كيف يفرحون به اشد من فرحهم بالمال. Ils seront encore plus contents, yani heureux, mieux que tu leur donnes l'argent, mieux que tu leur donnes l'argent. بل ينظرون إليك أحيانا نظر التعجب لقلة من يسلم عليهم. Certains vont te regarder en étonnement, تعجب. Pourquoi ils me disent salam? Pourquoi tellement peu de gens les saluent? Subhanallah العظيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rendez pas heureux les gens avec vos biens, avec votre argent. Mais plutôt, ce qui leur rend heureux, c'est de vous. Ce qui leur rend heureux de vous, c'est le visage souriant et le bon comportement. Wa ifsha'u salam ibadallah. Wa raddu salam fihi ajrun 'azim. Le fait de saluer les gens ou de répondre au salam, il y a une immense récompense, mes frères. فعن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركات كتبت له 30 حسنات. سبحان الله، حسنات كثير بين المسلمين، 30. خفاس عصام كيجي كنت تجي السلام عليكم يعني 10 حسنات، سلام عليكم ورحمة الله 20 حسنات، سلام عليكم ورحمة الله وبركات 30 حسنات. Et celui qui répond pareil. كم ضيعنا من الحسنات؟ وكيكاي تجي السلام عليكم تجي بونجور. يا أخي السلام عليكم. بونجور. اتق الله أخي. أنا جو دون تون دوا أن تونك مسلمان. Toi tu me dis bonjour. أو السلام عليكم. صباح الخير. أو صباح الخير. C'est quoi ce adab là? C'est ça l'islam? صباح الخير. Tu dis salam alaikum, tu dis sbakhir. Salam alaikum, wa alaikum assalam. Au moins, minimum. Ou sinon, wa alaikum assalam wa rahma. C'est quoi ces bid'a qu'ils font? Wa alaikum assalam wa rahma. Qul wa alaikum assalam. Comme dans le hadith. Dans le hadith, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم? Wa alaikum assalam, ou wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je vais te prier, hakik. Ou wa alaikum assalam wa rahmatullah, barakat. Mouche wa salam wa rahma. Ou bid'a jadida. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى، من أين أتيت هذه الكلمة تعالى؟ لماذا تغير هذا السلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو غير ذلك؟ هذا لا يجوز التسليم بهذا. ولو كان الشيخ تشوفوه في التلفزة، نفس سي الشيخ كنت تشوفوه على التلفزة يزو عليكم السلام وانت خير من الشيخ. نعم، احنا مش خير من الشيوخ، ولكن الدليل اقوى من اي شيخ. كتاب والسنة اقوى من اي شيخ. جيب عن الشيخ على تلي جيب عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا اخي ما تزيدش. نودش غاجوت با نشانش با للسلام كل بخوفات صلى الله عليه وآله وسلم نزا انسينيه. اقول ما تسمعون. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، السلام هو حق واجب لأخيك المسلم. Le salam c'est une obligation pour ton frère musulman. Quand tu vois un frère musulman, c'est obligé, c'est son حق de le saluer comme le prophète صلى الله عليه وسلم dit, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستة ومنها إذا لقيته فسلم عليه. Le droit du musulman envers un autre, 6. Parmi les points qu'il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand tu le rencontres, tu salam, يعني tu dis salam alaykum. وإياك أن تستبدلها بغيرها. On avait dit ça. Attention de changer le salam. Bonjour, au revoir. Wallah, ya khouya, des frères. Ils prient dans les mosquées et qu'ils ont eu des sociétés, ils ont eu des commerces et autres. Et qu'ils ont loué leur commerce à des frères. Quand on leur dit salam alaikum, ils disent bonjour. Subhanallah, mosque. Oui, alors. C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Subhanallah, aïna adabikum. T'as pas honte, mon frère, même s'il y a des non-musulmans qui te disent, tu dis wa alaikum salam. N'aie pas honte de salam, mon frère. Ismin asma'illah. Eux, quand ils font le fousouk ou le kufr, ils le font en public. Pourquoi toi t'as honte de dire salam alaikum parce qu'il y a des non-musulmans à côté d'Hachem? Wesh d'Hachem, akhi? Soyez fiers de votre religion, mes frères. Soyez fiers, même ce qu'ils disent du matin au soir. Même comme je. Khalleu idenno l'islam, on est contre le terrorisme, contre tout ça, mais on doit être fiers de notre religion, mes frères. Même qu'ils parlent du matin au soir. Ne pas changer la sunna du prophète sans ça. Ne pas la modifier, ne pas la changer. Barakallahu fikum. Fa'idha kama qala ta'ala, wa'idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-aya. Si dans le verset d'après le sens, si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou rendez-la simplement. Soit meilleur, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, soit wa alaykum salam. مش بخير وبونجور. Par contre, tu dis salam alaykoum, après tu peux dire sbah khir, msikhir, tu dis ce que tu veux. T'as un qu'on a sbah khir ou msikhir, après salam. Et moi, je te dis sbah khir ou bah salam alaykoum. Non, salam alaykoum, ben sbah khir, barakallahu fikoum. وكذلك قال العلماء ولا تكتفي بالإشارة وإن كنت بعيدا. Tu fais pas juste le ishara, c'est-à-dire le signe de la main ou la tête. Le hadith nous interdit de saluer avec la main et la tête. بدون التلفظ. Même si les lois, même si dans sa voiture fermée, dans son bus fermé et autres, تلفظ. Salam alaykoum. Et l'adab aussi, mes frères, dernièrement avant de finir. Quand tu rentres à la mosquée le Jumu'a, tu dis pas salam alaykoum. Quand il y a un ders parmi l'adab, quand il y a un ders, un shikh, il fait un ders ou autre, tu dis pas salam alaykoum. Tu déranges. Quand tu vois quelqu'un yakra le Coran wahdou fil masjid, d'autres le mutkulouj salam alaykoum. Tu dis pas salam, il va couper sa lecture. Wahdi adhan wahdou, il fait l'adhan tout seul à la mosquée, tu rentres pas, tu dis salam alaykoum. Parce qu'il faut qu'il yakta l'adhan pour te répondre. Ça, c'est l'adab salam. Tu vois quelqu'un en train de manger, sa bouche elle est pleine. Tu dis pas salam alaykoum. Il risque de s'étouffer, rajoul. Tu lui dis pas salam alaykoum. Et comment il va te répondre? Tu traces, tu le calcules pas. Tu vois deux personnes en train de parler attentivement. Tu les vois concentrées. Tu leur dis pas salam alaykoum. Votre couloir, salam alaykoum. Laisse-les, ils sont coupés. Même si tu dis, ah ouais, tu t'es vu à la fois, tu vas pas de salam. Et après, tu discutes entre deux personnes. Mahabit, je t'en l'adab salam. Ça, c'est le comportement du salam à avoir, mes frères. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Wa amitna alayhima. Ya hayu ya qayyum. Ya dhal jalal wal ikram. Allahumma arham amwat al-muslimina fi kulli makan. Allahumma arham amwat al-muslimina fi kulli makan. Allahumma arham amwat al-muslimina fi kulli makan. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرفع هذا البلاء كورونا اللهم أرفع هذا البلاء كورونا اللهم أرفع هذا البلاء كورونا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين